Pourtant, nous ne leur avons pas donné de livre à étudier, et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur.